13. La contre-réforme de la propriété intellectuelle. Lu par Yann G. La contre-réforme de la propriété intellectuelle. Il n'y a pas une façon monolithique d'envisager la propriété intellectuelle. Ces droits très particuliers, accordés aux inventeurs et auteurs, n'ont décidément rien de commun avec la propriété au sens commun. Monopole temporaire accordé par la collectivité ayant pour but de protéger les créateurs et de favoriser l'inventivité et l'innovation, ils sont un moyen au service d'un objectif d'intérêt général et non une fin en soi. Cette évidence a été perdue de vue ces dernières années. Le durcissement des droits et la suppression ou l'affaiblissement progressif de toutes les limites posées au pouvoir du propriétaire dessinent une véritable contre-réforme de la propriété intellectuelle. Sa réforme date, en France, de la fin du XVIIIe. On accordait enfin un statut aux auteurs et inventeurs, tout en garantissant l'intérêt général. La propriété intellectuelle était bien une propriété publique, partagée entre le créateur et la société. Aujourd'hui, cet équilibre est rompu.